Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, 100 ans après la Révolution russe, héritée de 1917. Une série de Marie Chartron, réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a pour commencer ce qui semble soudain insupportable, au point de prendre les armes et risquer sa peau. Il y a les espoirs, les tables que l'on renverse, l'euphorie et la violence. Il y a un ordre établi qui s'effondre et qui se croyait éternel. Et il y a bien sûr ce que l'on sait, les errements, les espoirs déçus, la surveillance, le totalitarisme et la mort dans les camps. Et il y a enfin l'exil, les séparations, les destins bouleversés, les familles éparpillées, les voyages, les échanges, la nostalgie, l'avenir radieux et les photos que l'on garde serrées au fond de vieilles boîtes. Et il y a ce mois de mars à Petrograd, qui n'est pas encore Leningrad, sur fond de grève et de refus de la guerre. Alors pour commencer, les personnages. Des élèves et des étudiants timides, des fils, des filles, des petits-fils et des petites-filles qui déroulent l'histoire familiale, des révolutionnaires, des paysans, des ouvriers, des officiers tsaristes, des propriétaires et des historiens. Ensuite le décor. La neige fraîche et la Neva, des souvenirs de famine, des fresques de mosaïques, des usines presque vides, des manuels scolaires, un navire mythique et le début d'une longue révolution qui ne s'est jamais achevée. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Saint-Pétersbourg et c'est l'hiver. Если говорить не об эпохе, в принципе, а именно о революционном времени, en 1917, les gens étaient très très politisés et il y avait énormément de journaux. В 17 году в Петрограде было Tout le monde en achetait, en lisait. Люди были Mais очень c'était l'époque des грèves et les éboueurs ne travaillaient pas. Donc les pages volaient et le sol était recouvert d'un tapis de journaux et de coquilles de graines de tournesol. On en mangeait beaucoup. Quand j'étais petite, quand j'étais toute jeune, à l'école, on nous parlait tout le temps de la Révolution. Et moi, je vivais avec ma grand-mère, qui était née en 1912. Et je suis rentrée à la maison et je lui ai demandé, voilà, Baboule, qu'est-ce que c'est pour toi la Révolution? Elle a dit qu'elle avait 6 ans, elle vivait dans un petit village sur la Volga. Et elle a vu, très tard le soir, sa mère... qui lui a dit avec des yeux qui étaient tout à fait écarquillés, c'est incroyable, mais à Petrograd, le tsar n'est plus notre tsar. Pour elle, justement, ce début, elle se souvenait toujours de son âge de 6 ans, et de cette expression du visage de sa mère. Elle a dit que c'était le visage de la révolution. Мой дед умер до за несколько недель до начала Первой мировой войны. Du côté paternel, le premier mari de ma grand-mère est mort avant la Première Guerre mondiale. Et le second a été tué pendant la Révolution. Tous les deux étaient propriétaires terriens. Du côté de ma mère, en revanche, ils étaient paysans. Et pour cette rencontre improbable entre ma mère, fille de paysan, et mon père, fils de propriétaire terrien, on peut dire merci à la Révolution d'octobre. Tout ce que j'ai appris de la Révolution, je l'ai appris un peu quand même, un peu par mon père, mais ce n'était pas la Révolution, c'était surtout la vie pendant la guerre civile. Ses premiers souvenirs, c'était le souvenir de la famine. De 1918-19. Il y a des histoires que tous les gens essaient de ne pas retenir en mémoire. Et ma mère qui a vécu le siège de Leningrad, mon père qui a vécu la famine, n'en parle pas. Mais parfois, il y a des, comme ça, des bribes, des morceaux, des images, comme un cheval mort dans la rue et un corps. Ça veut dire que la vie n'était pas si terrible. Il y avait les chiens qui mangeaient le cheval. C'est ça qui a frappé mon père Igor quand il était petit. À comparer avec le siège de Leningrad, où il n'y avait bien sûr aucun chien. Et ce n'était plus les chiens, mais les hommes et les femmes qui mangeaient du cheval. Je pense que la révolution, dans le sens substantiel, elle n'est pas terminée. Les buts ne sont pas achevés. La liberté politique n'est pas achevée, mais m'a abandonné. Les ambitions historiques, ils ne sont plus là. Bref, je pense que cette révolution de 17, elle était brusquement interrompue. Ces idéaux, ces utopies étaient réprimées de quelque façon. Elle n'est pas du tout une chose qu'on peut surpasser et mettre à sa place dans les dictionnaires et encyclopédies. Le quotidien révolutionnaire à Saint-Pétersbourg, 100 ans après 1917. Marie Chartron, Julie Bérécy. Je vois l'année 1920 flamber. La chimère se vidait de son sang. Le peuple, pris de folie, pendre le premier ministre par les pieds. Sur l'échafaud, monte une odeur de cannabis et de sang frais, rouge comme une aurore. Et tout ça est tellement bien, comme une vie qu'on n'aurait pas vécue en vain. L'empereur Alexandre II est assassiné à Saint-Pétersbourg. 1898, fondation du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. 1901, création du Parti socialiste révolutionnaire. 1903, menchéviques et bolcheviks se séparent. 1905, dimanche rouge à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe. Une manifestation populaire est réprimée dans le sang sur la place du Palais d'Hiver. 1914, l'Empire russe entre en guerre, Saint-Pétersbourg devient Pétrograd. 1917, le 9 janvier, grève de 50 000 ouvriers. 22 février, lock-out aux usines Poutilov. 23 février, journée internationale des femmes, grève à Pétrograd. 24 février, le mouvement de protestation grandit. 25, 26, grève, heure, renvoi de la Douma. 27, mutinerie. Le soviet de Pétrograd et le comité provisoire de la Douma se partagent le pouvoir. 1er mars, Prikaz numéro 1. 2 mars, abdication de Nicolas II. On forme un gouvernement provisoire. Et l'année ne fait que commencer. 2017. Nous sommes à Saint-Pétersbourg. La place du Palais d'Hiver affiche des couleurs vives. Jaune, vert, doré. Les touristes se pressent vers l'ermitage. À la gare de Finlande, de l'autre côté de la Neva, le wagon blindé dans lequel Lénine a rejoint la capitale en avril 1917 est exposé dans une vitrine près des quais, à côté d'une petite supérette. Comment la révolution, un terme dont les contours et la temporalité ne cesseront d'être redéfinis par nos interlocuteurs, a-t-elle marqué les destins? Comment ces épisodes se sont-ils transmis de génération en génération? Comment apprend-on, enseigne-t-on cette histoire aujourd'hui? Il est 16h, le soleil se couche, et Alexei Yankovski, grande silhouette plantée dans la neige, nous attend au 84 chaussée de la Révolution. Il faut passer par la sécurité, car avant d'être un musée du street art à ciel ouvert, ce lieu est un site industriel encore en activité. Vous avez remarqué que nous sommes ici 84 chaussée de la Révolution, et que le temps qu'il fait, il fait très février-mars. Et là, on est en train de traverser le site de l'usine, donc avec des réservoirs, ça fume un peu de partout. Et en face de nous, il y a une fresque qui a l'air relativement ancienne et qui représente... qui représente qui ? Un ouvrier, bien sûr. C'est un ouvrier. On ne voit pas encore la tête, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il montre. Mais c'est très typique pour les décorations des usines. C'est quelque chose que vous voyez souvent dans les usines soviétiques. Ils sont venus un tout petit peu en retard pour la production. Je pense qu'ils viennent de partir parce qu'on est samedi. Et cette machine-là, qui était très bruyante tout à l'heure, ne travaille plus. Mais nous avons les étalages autour de nous où les ouvriers sont encore en train de poser les feuilles produites. Il y a encore un sujet qui est nécessaire à traiter si on veut parler de la Révolution et si on veut commémorer le centenaire, c'est un respect pour le travailleur. Autrefois, les gens soviétiques se souviennent très bien, c'était une partie de la propagande. Il y avait beaucoup des images, des films, des images d'actualité sur comment fonctionnent les usines, comment fonctionne l'agriculture, etc. Maintenant, les gens qui sont là, de l'autre côté du mur, personne s'y intéresse. Personne ne sait comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est un grand, grand, grand problème, c'est un grand danger, parce que c'est eux qui sont la fondation de la vie, c'est eux qui produisent, c'est eux qui font tout ce qu'on mange, ce qu'on fabrique, etc. C'est pas possible de complètement se passer dans la vie spirituelle de ce respect, de cet intérêt pour, comme on disait autrefois, les ouvriers. Alors, l'histoire de 1917, c'est en grande partie l'histoire de la cause ouvrière. Oui, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et aujourd'hui, on les méprise, les ouvriers, ou plus largement, les travailleurs? On les méprise pas tellement, on ne les remarque pas, comme s'ils n'existaient pas. Et eux-mêmes n'ont pas d'expression. C'est une partie de la vie inexistante, comme les tuyaux, les tables, les voitures, les micros et tout le reste apparaissaient de la Chine comme ça, par miracle. C'est venu de la Chine, voilà, on s'en fout. Ça ne peut pas être comme ça, et ça ne va pas durer comme ça. Il y aura bien des changements. On voit que si les choses sont longtemps ignorées, ensuite elles explosent. Puisqu'on parle de révolution, quand commence-t-elle et quand se termine-t-elle? Alexei Yankovski. Je pense qu'il y a deux notions très différentes qui sont à séparer. Il y a révolution comme un événement très pointu qui est caractérisé par l'absence de résistance du régime qui est renversé. Le régime étant juste, ça ne peut pas continuer comme ça. Et subitement, l'ancien régime, dont tout le monde a déjà ras-le-bol, ne se protège plus et tombe comme de lui-même. C'était bien le cas de mars 1917. Et la joie, l'euphorie, l'espoir qui sont nés à ce moment-là sont spectaculaires et vont ensuite être retenus par toute la génération qui l'a vécu. C'est une chose. Mais on appelle très souvent la révolution le phénomène continu. La révolution bolchevique, ce sont toutes les horreurs qui ont suivi ce renversement, c'est tous les événements terribles qui ont changé le visage de la Russie. Et dans ce sens-là, bien sûr, elle n'a pas de fin, parce que nous avons bien sûr toujours autour de nous les résultats de cette révolution qui sont continués. Quelle image vous vient à l'esprit? Peut-être c'est en avril déjà, 1917. Partout, il y avait spontanément des gens qui commençaient à délivrer les discours, parler. C'était des gens, peut-être pas des agitateurs, des révolutionnaires, c'était les gens du peuple. Ils pouvaient énoncer des prophéties ou bien dire des choses très poétiques. Pasternak le décrit de cette manière. Il dit que c'était même les arbres qui faisaient les discours, même les bâtiments en briques faisait des prophéties. La nature parlait. Si on se demande où la révolution s'est arrêtée, ben non, elle ne s'est pas arrêtée, elle est là. Derrière la fenêtre, c'est bien la révolution bolchevique, bien sûr. 3 mars 1917, le grand-duc Michel renonce à la couronne. 27 mars, appel du soviet de Petrograd en faveur d'une paix sans annexion ni contribution. Le 3 avril, Lénine arrive à Petrograd. Le jour suivant, il expose ses thèses d'avril. Sur la rive gauche de la Neva, au sud du quartier de Petrograd, le Musée national de l'histoire politique, ex-musée de la Révolution, puis de la Grande Révolution d'octobre, occupe l'ancien hôtel particulier de la ballerine Matilda Kchesinska, une proche de la famille impériale. Dans Petrograd en Révolution, le bâtiment réquisitionné était l'un des centres de la vie politique. Lénine, Staline, Zinoviev ont travaillé ici. Dans les bureaux occupés par le comité central du Parti ouvrier social-démocrate, on peut apercevoir des piles de journaux, les premières éditions de la Pravda. Et avant de rejoindre Alexandre Kalmykov, l'un des historiens du musée, nous apercevons le balcon d'où Lénine aurait prononcé des discours. Un groupe de tout jeunes écoliers en uniforme écoute attentivement une conférencière. Rassemblez-vous et fermez les yeux. Figurez-vous que vous n'êtes plus en Fédération de Russie. Vous êtes dans l'Empire russe. L'Empire, c'était il y a bien longtemps. Et quand on parle d'Empire, il y a un empereur. Vous le voyez dans la salle ? Des doigts se tendent. Oui, c'est Alexandre II, l'empereur de toutes les Russies. И вот в Российской революции мы выделяем три периода. Это февральская. Pour nous, il y a trois périodes de la révolution russe. Tout d'abord, l'insurrection de février. После этого, когда пришла. Après deuxième période, c'était le gouvernement provisoire qui n'a pas été légitimisé parce que l'Assemblée constituante n'a pas été approuvée. Оно так и не было. Et donc toujours dans la deuxième période, c'était un coup d'État d'octobre, parce qu'il a été prémédité, préparé et réalisé, selon un plan bien élaboré. Enfin, la troisième période, à partir de 1918, où il y avait cinq forces essentielles qui luttaient pour le pouvoir. C'était des rouges, des blancs, c'était aussi des SR, socialistes révolutionnaires, des gouvernements SR dans diverses régions de la Russie. Il y avait aussi la jacquerie paysanne, notamment les armées de Makhno et des autres. Et pendant cette période, les bolcheviks pouvaient contrôler au plus 30% du territoire de la Russie, pas plus. C'est pour ça que nous ne pouvons parler de la fin de la révolution qu'à partir du moment où le pouvoir soviétique a été complètement légitimisé, c'est-à-dire en 1922, quand l'union de quatre républiques a été fondée. Russie, Ukraine, Biélorussie et la Transcaucasie. Mai, formation du deuxième gouvernement provisoire. 3 et 4 juillet, manifestation violente, Lénine s'installe en Finlande. 24 juillet, formation du troisième gouvernement provisoire, dirigé par Kerensky. Août, échec de la tentative de putsch dirigée par le général Kornilov. 1er septembre, proclamation de la République. Du 24 au 25 octobre, les bolcheviks prennent le contrôle de la capitale. Nuit du 25 au 26 octobre, attaque du palais d'hiver. Quai de Petrograd. Un immense bâtiment gris est amarré sur l'un des bras de la Neva, entre la forteresse Pierre et Paul et la place Lénine. Un marin de fortune harangue les visiteurs et porte un uniforme un peu fantaisiste sur lequel on peut lire « Baltic Sea Flot », flotte de la Baltique. Des élèves officiers passent devant lui et montent à bord du bateau. Nous sommes devant le croiseur Aurore, rejoint par Artyom Mangoun, philosophe et professeur en sciences politiques. C'est un monument, comme vous le voyez, c'est un musée qui était mis en place, je pense, sous Staline pour commémorer la révolution. Parce que la croisière, elle a pris part dans les événements de 25 octobre 1917. Sauf que c'est pas exactement clair ce qu'il a fait. Il n'était pas important, ce bateau. Mais après coup, on a fait une belle histoire. Je pense qu'Eisenstein était celui qui a vraiment inventé le mythe. Bon, le mythe, c'est que c'est ce bateau qui a tiré sur le palais d'hiver. Et comme ça, était important pour que le gouvernement provisionnel se rende. C'est le croiseur qui a donné le signal de l'assaut du palais d'hiver. Aussi ça. Non mais ça, oui, c'est n'importe quoi historiquement en parlant, mais non parce que c'est pas vrai. Mais c'était un mythe qui a été inventé par Eisenstein et les autres. parce qu'il y avait une grande culture de commémoration déjà dans les premières années de révolution. Tout de suite après la révolution? Vite après la révolution. Je ne sais pas quand exactement on a inventé ça, mais déjà dans le film d'Eisenstein, Octobre, ça figure. Donc là, on est en face d'une fiction. Oui, c'est un monument mythologique, lieu de mémoire. Mais le bateau est réel. Il a pris part dans la guerre russe-japonaise déjà, au début du XXe siècle. Et après, il a effectivement participé. Il a flotté ici dans la Neva le 25 octobre. S'ils ont tiré vraiment sur le palais, c'était avec des coups blancs. Et c'était déjà après que l'action a commencé, donc ce n'était pas un signal du tout. Maintenant, c'est peut-être moins la mémoire de révolution proprement dit qui est importante, mais la mémoire de la puissance militaire de Russie qui est incorporée dans ce bateau. On ne célèbre plus vraiment la révolution en tant que telle, mais ce qu'elle incarne de grandeur. Je pense, oui, parce que étant donné l'idéologie et la situation politique actuelle, j'imagine que probablement pour les gens qui y viennent, c'est plutôt l'Empire russe et l'Empire stalinien qui est important et pas la révolution communiste. Le 26 et 27 octobre, formation du Sovnarkom, le Conseil des commissaires du peuple. 20 décembre, fondation de la Tchéka. 5 janvier 1918, dissolution de l'Assemblée constituante. 1er février, le calendrier julien est remplacé par le calendrier grégorien. Ainsi, le 1er février ancien style devient-il le 14 février, un saut temporel de 13 jours qui explique pourquoi la révolution d'octobre s'est finalement déroulée en novembre. Pushkinskaya 10. Sur la place de l'insurrection, un obélisque se dresse devant une inscription en lettres lumineuses. Leningrad, ville héros. Au dernier étage d'un ancien squat transformé en centre d'art, Yuli Rybakov et sa fille Yulia remontent le temps. Ну, если говорить именно об этом периоде, наверное, интересно вот что. Два деда. Bon, tout d'abord, mes grands-pères, du côté paternel et du côté maternel, tous les deux étaient officiers militaires. Et donc, ils étaient officiers de l'armée tsariste. Et après, républicaine, ils ont salué la révolution de 1917. Je parle de la révolution de février, évidemment, et pas de coup d'État d'octobre. Mon grand-père paternel était officier de la marine de guerre. Il était blessé pendant la Première Guerre mondiale. Et après, donc, on l'a transféré, on lui a trouvé un autre poste ici. Plus au front, mais en ville, il faisait son service à l'état-major général de Petrograd. Et donc mon grand-père, il allait tous les jours à son travail, à l'émirauté, dans son département de chiffrement et de déchiffrement, toujours avec sa canne, parce qu'il boitait après la blessure. Et un jour, il était dans son bureau. La porte s'ouvre grand battant, il y a une femme, matelot de marin, avec un revolver Nagant à main, accompagné de deux matelots avec des fusils, et c'était Inès Armand. Elle braque son revolver sur lui et lui demande « Tu vas servir à la garde rouge ?» Et lui, après les épreuves qu'il a subies à Kronstadt, en plus, il avait déjà un enfant d'un an, mon père. Donc, il a dit oui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à servir la flotte rouge. Il était officier. Après, il a travaillé dans l'école de la marine de guerre et il a formé toute une génération des généraux et des amiraux. Après, il a eu son ordre de Lénine. Et après, il est décédé après avoir écrit quelques livres. Inès Armand était une des chéries de Lénine, enfin des amantes de Lénine, qui se trouvait très à l'aise dans cette période trouble. Elle se baignait dans la violence, dans l'amour, dans les bijoux et dans le sang. D'après une expression d'époque, c'était une valkyrie de la Révolution. Et selon mon grand-père, c'était une belle femme. C'est la révolution bolchevique qui a fait que mon grand-père et ma grand-mère, côté maternel, se sont rencontrés. Ce n'était pas un bon endroit où ils se sont rencontrés. C'était les prodatriades, ces unités des bolcheviques qui étaient envoyées au village pour prendre le blé des paysans. Et ils prenaient le dernier et ils laissaient les paysans sans rien. Donc c'est malheureusement, c'était mon grand-père, même pas bolchevique, il était social-démocrate ouvrier, RSDRP. C'est le parti qui a donné naissance ensuite au parti bolchevique. Il était membre du parti RSDRP avant la scission entre les bolcheviques et les mencheviques. Voilà, et sa future femme était une jeune paysanne et qui était dans la même unité. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés pendant la guerre civile, juste après la Révolution. Et du côté paternel, c'était mon grand-père était un employé de banque. Il travaillait dans une banque tsariste, bien sûr. Et ensuite, il est devenu directeur de la poste d'expansion économique russe en Norvège. Et c'est à cause de ça que mon grand-père était fusillé en 1938, parce qu'il faisait partie de ces gens qui ont vu l'autre vie, qui ont vu la vie en Occident, et c'était pas tolérable. Et tout ce que j'ai appris de la Révolution, je l'ai appris un peu quand même, un peu par mon père, mais c'était pas la Révolution, c'était surtout la vie pendant la guerre civile. Et sur ces années de guerre civile, qu'est-ce que votre père vous a raconté, Alexei Yankovski? Par exemple, sa rencontre avec Shakespeare. Son frère, petit frère, est né en 1918, vraiment au pire moment. C'était très difficile de le nourrir. Et il est très vite tombé malade avec la diphtérie, le petit Alyosha. Il n'y avait aucun moyen pour faire la désinfection, alors tous les jouets et les livres d'enfants ont été enfermés dans un placard pour un an. On pensait que ça va être suffisant pour que l'infection passe. Un an plus tard, peut-être c'était 1920, oui je crois, on a ouvert le placard, sorti les jouets et les livres, et le petit Igor, mon père, est tombé malade avec la diphtérie. Alors sa mère a brûlé tous les jouets, tous les livres d'enfants. Et il n'avait plus rien à lire que les livres pour les adultes, dont Shakespeare, qu'elle a commencé à lire à 5 ans. Слушайте, слушайте, говорит Ленинград, РВ-3, РВ-3. 23 février 1918, formation de l'armée rouge des ouvriers et paysans. 3 mars 1918, signature du traité de Brest-Litovsk. 13, 14, 15 mars, Trotsky est nommé commissaire du peuple à la guerre, les troupes autrichiennes occupent Odessa, les socialistes révolutionnaires de gauche démissionnent du gouvernement soviétique. 31 mars, Denikin est nommé commandant en chef de l'armée des volontaires. 5 avril, les troupes japonaises débarquent à Vladivostok. 1928, Elisaveta Delibache naît. Sa mère la transporte dans une boîte à chapeau en guise de couffin. 89 ans plus tard, elle nous accueille dans son vestibule rempli de revues. Dans le salon, on aperçoit quelques rares photos sur une étagère, les seules qui lui restent de ses parents. Мои родители вообще Ma mère n'a pas pris une part active à la révolution, mais mon père, oui. Avant la révolution encore, il avait adhéré au Parti ouvrier social-démocrate de Russie, le RSDRP en russe. C'est Elena Stasova qui l'avait fait entrer au parti, une proche de Lénine. Stasova est une des близких людей к Ленину. Вот потом мой отец после того, как он après la révolution de 1917, avant son mariage avec ma mère, mon père a commencé à travailler à la Tcheka. Comme secrétaire de Moïssey Ouritsky, ce qui ne laisse présager rien de bon. Mais d'après les témoignages et d'après ce que j'ai pu lire dans les livres, on le considérait comme quelqu'un de sérieux et de pondéré, à qui on pouvait vraiment parler. Что-то нам толково ответил, но действительно, судя по тому, что я потом читал, il avait terminé l'école et suivi des études supérieures, ce qui n'était pas si fréquent dans ce milieu. Много значит, и который потом кончил институт. Все, да. Папа стал преподавать, и вот там мама ensuite, училась тоже. Il a enseigné à l'école nationale supérieure d'économie et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui était étudiante. Но уже в это время папа был знаком. À cette époque, il connaissait des trotskistes, des menscheviks, mais il n'imaginait pas à quel point ces connaissances pourraient devenir dangereuses plus tard, lorsque le parti serait déchiré par des luttes internes. Что начнется партийная борьба насмерть. Вот. И так, ну, скажите. Ну, знаком он был и даже дружил вот со Смилгой, но il n'était pas он trotskiste. Сам не менял. Il était membre du parti. Не был trotskiste. Ni plus ni moins. Вот, то есть, ну, был членом партии. Никто не знает его. Никакой партийной деятельности особой. Dans aucun document je n'ai trouvé de trace particulière de son activité partisane. Дело, когда читала то, что мне дало ФСБ. J'ai trouvé une seule chose dans un dossier que j'ai pu consulter aux archives. Как члена партии. Lors d'une réunion où certains membres du parti ont été accusés d'être trotskistes et arrêtés, il a fait un discours pour les protéger. Отец выступил в защиту на собрании, в защиту людей, которых обвинили, которых арестовали. Его арестовали первый раз. La première fois, il a été arrêté en 1927, avec Smilga d'ailleurs, un membre actif de l'opposition trotskiste, et il a été envoyé en Sibérie, à Минусинск. C'est la ville où Lénine avait autrefois été envoyé en exil. То есть его отправили туда, где сидел Ленин. Ma mère était enceinte de moi et je suis née au début de l'année 1928. В 30-м году папу mon père a été libéré en 1930. Это самое вернули et a commencé à travailler comme président adjoint du comité du commerce extérieur. Его следующая должность была заместитель председателя комитета внешней торговли. Извиняюсь, это министерство теперь. В 30-м же году его арестовывают снова. Il a été arrêté la même année. При этом 17-го он должен был идти, ну это я и сделал, знаю, он должен был précisément la veille du jour où il aurait dû aller récupérer sa carte du parti parce qu'il avait été réintégré. А 16-го его арестовали. Pour quelle raison? Вы знаете, что в его делах вот, j'ai étudié 4 dossiers d'instruction et 4 dossiers d'inculpation. Его обвиняли все по одному и тому же. Pas une seule fois. Il n'a été accusé de fait, mais seulement d'intention. Мне все время хотелось, ну хорошо, ну хоть бы листовки выпускал, я не знаю, бомбы, ну il voulait renverser le gouvernement, il avait l'intention de renverser le régime. Il était dans la bande des trotskistes, il était lié à Zinoviev, Kamenev, à Bukharin. Зиновьев, троцкистских, бухаринских наймитов и так далее. Il suffit de regarder les titres de journaux de l'époque pour comprendre comment on collait ce genre d'étiquette aux accusés. Эти шапки и всё это приписано. А делать он ничего не делал. В 30-м году её арестовали. Маму. En 1930 toujours. Ma mère a été arrêtée pour perte de vigilance. Elle n'avait pas dénoncé son mari, ennemi du peuple. Elle a écrit à Staline pour demander sa libération et celle de son mari. Elle a été libérée, mais pas lui. Это ли помогло или нет, я не знаю. Но отца вот тогда выпустили. Par la suite, elle a écrit au chef du camp où mon père était emprisonné. Elle voulait être auprès de lui. On l'a autorisée à venir travailler comme responsable de l'éducation et de l'instruction des masses. Внутри тишины, завязанная в узелок, сладкое сухожилие крика. Узелок маленький, как город, в котором на свадьбах и похоронах играет один и тот же оркестр. Вот... Я, значит, это был лагерь. Я в лагере этому училась. Et c'est dans ce camp que je suis entrée à l'école primaire. У меня есть. J'ai même gardé mon certificat de première année avec les notes. За первый класс. Il avait été peint par les détenus. На радио это не надо сфотографировать, но у меня есть. Вот. В 36-м году в апреле. En avril 1936. Почему я не знаю. C'est-à-dire, juste à la veille de 1937, l'année de la Grande Terreur, et peu de temps après la mort de Kirov en 1934, c'est sans doute pour ça que ma mère est partie, les temps étaient de plus en plus troubles. Elle voulait vivre avec mon père. C'était pas une vie, mais quand même. Et donc, en avril 1936, je m'en rappelle très bien, j'avais quand même 8 ans. Это я точно помню, потому что вообще-то мне уже было 8 лет, и я. Je me souviens très bien. Trois jeunes militaires sont entrés dans notre baraquement avec mon père. Нам в комнату. Je me souviens de leurs bottes et de leurs ceintures. Трое молодых военных, такие портупеи у них, сапоги. И привели отца. Они стали все смотреть, что у нас в комнате. Ils ont commencé à fouiller dans toutes nos affaires. Особенно этажи. Ils inspectaient les livres et les jetaient par terre. Могу сказать точно, что искали военные. Je me souviens que trois livres ont tout particulièrement retenu leur attention. Un de Pasternak, un recueil de poèmes d'Antokolski et un volume de Mérimée. Et ce qu'ils cherchaient et qu'ils ont fait mine de trouver dans ces livres, c'était des notes, des lettres soulignées, comme s'il s'agissait d'un code secret. Mon père voulait dire quelque chose, ou au moins me dire adieu, mais on ne l'a pas autorisé. Quant à ma mère, on l'a littéralement arraché à mes bras. Et c'est tout. Je n'ai plus jamais revu mes parents. Mon père a eu droit à un vrai tribunal à la prison de Nijni Novgorod. Et il a été condamné à mort en tant qu'ennemi du peuple. Ma mère a été envoyée à la prison des îles Solovki sur la mer Blanche. Et de là-bas, elle a envoyé deux lettres à mon grand-père. C'est-à-dire à son père, à elle. Моему Dans la première, elle demandait de lui envoyer du fil à coudre. Elle savait très bien coudre. Et d'autres choses. Et elle demandait aussi que Лизочка, c'est-à-dire moi, elle demandait que je regarde les étoiles et que je cherche la grande ours et l'étoile polaire, parce qu'elle les voyait très bien de là où elle était. На котором было написано несколько вещей таких для меня. Dans la deuxième lettre, во-первых, пусть je me souviens que c'était juste un bout de papier plié en triangle. Elle avait écrit «Je meurs, sauvez ma fille». Полярную звезду, которую я хорошо вижу. И нет, это в первом письме. А в последнем письме написано «Я погибаю, спасите мою дочь». Рабов исконных родина эпохи укоризна, красавицу родина обманутых отчизна. Тебя хвалить указано покорному народу, тебя любить приказано, а я люблю свободу. Башкой не замороченной пока еще мотаю. Planté sur un socle, la tête à l'envers, un revolver Nagant, l'arme des années révolutionnaires, trône sur la table. Père et fille se passent la parole. Yulia Rybakov est née au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Yulia Rybakova à l'aube des années 90. Vous êtes née avec la chute de l'Union soviétique, Yulia Rybakova. Qu'est-ce qui figure sur votre passeport ? Je suis citoyenne de la Fédération de Russie, mais ma ville de naissance est Leningrad. Et c'est ce qui est écrit dans mon passeport, lieu de naissance, Leningrad. Par rapport à Yulia, elle n'était pas seulement l'enfant de l'amour entre moi et ma femme, mais aussi l'enfant de cette époque-là, l'époque de la liberté, de l'indépendance, parce que nous nous sommes connus avec ma femme sur les barricades. En fait, la perestroïka se déroulait lentement, trop lentement à notre goût, donc nous avons essayé de précipiter les événements. On sortait dans les rues avec des meetings, avec des manifestations, avec des drapeaux russes. Parfois, on nous arrêtait, on nous mettait au trou, après on nous relâchait, nous on sortait de nouveau. On était le membre de premier parti d'opposition démocratique, légale, qui a déclaré qu'elle voulait à tout prix le changement de régime. Donc ce parti s'appelait Demokratichesky Soyuz, Union démocratique. Et donc, nous nous sommes connus là. Un jour, après une manifestation, enfin, près de la cathédrale de Kazan, j'ai vu qu'une très belle fille était poursuivie par les policiers. Et donc, moi, j'ai essayé de les empêcher. Et c'est comme ça que naît cette union dont Yulia est le fruit. Будет день и минуты, и звезды, и час, и они еще будут изучены, когда мы, выполняя последний приказ, раздадим автоматы пацанам из Купчино, Селезара, Ржевки, с веселого поселка, чтобы они стреляли по ментам и барыгам. Мы завалим учащихся наркотой и запрещенными книгами. Будет день и минуты, и звезды, и час, и они еще будут изучены. Солнце вскрыло весну, предъявляя улики суете выходного дня. Я не выйду из дома, не стану барыгой. Отстаньте, блядь, от меня. Проститутка весна никому не откажет. Я тебя никому не отдам. Заплатите ментам, они точно отмажут. Только я не плачу ментам. Посмотри, как закат разорвал горизонта, пустоту, что похожа на кровь. Из всех бед мы всегда выбирали свободу. Мы поставили к стенке любовь. Моя революция. Avril 1918. La Reichswehr occupe Kharkov. 14 juin. Les mencheviks et les socialistes révolutionnaires de droite sont exclus des soviets. 6 décembre, un détachement français débarque à Odessa. 9 décembre, l'armée rouge entre à Minsk. 24 décembre, les troupes de l'amiral Kolchak prennent Perm. Le pays s'enfonce dans la guerre civile. À l'Université des technologies de gestion et d'économie, tout le monde passe par le vestiaire pour déposer son manteau. La montée d'escalier fourmille et Konstantin Netoujilov ouvre la porte d'une salle remplie d'étudiants de 17 ans, plutôt intimidés. Il sort des livres d'histoire des années 40 et ouvre le manuel qui sert actuellement de support à ses cours. Après la révolution, l'enseignement de l'histoire dans des écoles a été complètement annulé. Et les professeurs d'histoire, les manuels d'histoire, les livres d'histoire sont restés de l'époque d'avant la révolution. Donc c'était complètement inutile et l'histoire n'était enseignée ni dans les écoles ni dans les universités pendant 10 ans. À la place de l'histoire comme discipline, on enseignait une discipline intitulée l'histoire de la lutte des classes. Entre 1934, on a annoncé le premier concours pour le meilleur manuel d'histoire. Et les membres de la commission ne comptait aucun historien, mais c'était des leaders du parti. Из представителей высшего руководства страны. Если мы возьмем в руки советский учебник, si on prend un manuel d'histoire de cette époque-là, on s'aperçoit que toute l'histoire du pays n'est au fait que le prologue de l'avènement du parti communiste et de ses réalisations. Партии большевиков и сотворенным ею революцией. Qu'est-ce qui a évolué alors vraiment depuis les, peut-être les années de la perestroïka dans la conception des manuels scolaires? За последние 25 лет изменения происходили несколько раз. Pendant 25 dernières années, en fait, il y a eu plusieurs changements. Et donc très souvent, la fabrication, la conceptualisation des manuels n'arrivait pas à suivre les événements qui avaient lieu dans la vie, les événements politico-sociaux. Изменениями общественного мнения. Дело в том, что сейчас существует параллельно Actuellement, il existe plusieurs manuels d'histoire des auteurs différents. Et chaque professeur, s'agit-il de l'école ou de l'université, peut choisir parmi ses manuels celui qui va travailler avec ses étudiants. Et maintenant, nous attendons, non sans crainte, l'apparition d'un nouvel manuel d'histoire unifié, obligatoire à utiliser dans les écoles, sans droit d'utiliser d'autres manuels. Вообще, мои предки родом, ну, из Санкт-Петербурга. Mes ancêtres sont de Saint-Pétersbourg. On m'a montré des photos de famille. Mon arrière-grand-père a combattu pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième aussi. Il a participé à la Révolution et il a été décoré. On a gardé ses médailles d'ailleurs. И у него есть заслуженные награды того времени. Et à quoi il ressemblait sur les photos que vous avez vues? Non, ça dépend. Selon certains, c'est plutôt Brad Pitt. Pour d'autres, plutôt Gagarine. Mes ancêtres étaient ouvriers et ils ont soutenu la révolution. Ma grand-mère était une enfant à l'époque, mais elle s'en souvient très bien. Elle aussi, elle soutenait les bolcheviks et toutes les conséquences de la révolution, même si c'était dur. Vous savez comment était organisée la propagande. On dit souvent que l'histoire ne connaît pas de conditionnel. J'aime bien imaginer ce qui aurait pu se passer si le pouvoir n'était pas resté aux mains des bolcheviks. Si les démocrates ou d'autres avaient gagné, peut-être que la Russie aurait connu un autre sort et serait aujourd'hui un pays beaucoup plus progressiste et beaucoup plus démocratique. Я бы сказал, что я скорее недоволен, так как со времен Советского Союза изменилось очень многое. Moi, je m'estime plutôt mécontent, parce que depuis l'éclatement de l'Union soviétique, nous n'avons pas encore obtenu cette liberté de parole, pourtant tellement promise. Как на мой взгляд, нету места бесплатного бесплатное образование теперь получить стало намного сложнее. Ни l'enseignement ни le système de santé ne sont gratuits, alors que c'était le cas à l'époque soviétique. С многими другими общественными благами, которые были раньше. Mais mon opinion diffère de celle de mes camarades ici, donc ne pensez pas qu'elle soit représentative. C'est très difficile à formuler maintenant, dans notre société telle qu'elle est, de bien formuler et les crimes et les bons côtés de la révolution. Parce que les deux demandent beaucoup de courage. Et les gens qui détiennent maintenant, même pas le pouvoir politique, je dirais le pouvoir culturel ou le pouvoir de l'expression, ne font pas preuve du courage. Je ne le vois pas. Alors ici, c'est le courage qu'il faut. Il faut bien admettre à quel point les résultats de la terreur, de l'extermination étaient terribles et importantes, mais il faut admettre aussi l'importance du collectivisme, l'importance de cet intérêt pour le monde extérieur, quand les gens se sont commencent à être concernés pour ce qui se passe dehors de la Russie, qui s'intéressaient au monde entier. Ça, c'était aussi l'un des résultats de la révolution. La publication de la littérature mondiale, la traduction de beaucoup de choses en russe, tout ça, c'était aussi des choses qui sont venues grâce à ça. On voit très clairement la monnaie de propagande qu'on peut tirer de la guerre avec Hitler, ça c'est évident. Mais alors, quel profit on peut tirer de la révolution bolchevique? Ça, c'est plus énigmatique. Et pour moi, la révolution, c'est un moment de l'espoir. La révolution, c'est... Peut-être j'ai une perception très peu orthodoxe de ce phénomène, mais c'est de la jeunesse. Vous connaissez le célèbre poète Alexandre Bloch, qui a, entre autres, écrit le poème que je traduirai comme « Rétribution, Vazmizdje ». Ça vient de pièce d'Henrik Ibsen, le constructeur Solness, qui s'est enfermé dans sa maison parce qu'il a peur de la jeunesse. Il y a une jeune fille qui vient lui demander « Pourquoi vous vous enfermez comme ça ?» Mais la jeunesse, c'est la rétribution. Vous comprenez, elle viendra pour fracasser la porte. Et la révolution, c'est la jeunesse. Ils sont là pour ça. Ils vont rejeter le monde des adultes. Ils vont créer leur propre. Et c'est normal. Et c'est bien. Et c'est comme ça que la vie peut changer pour le mieux. Après, il y a des autres adultes qui viennent pour profiter de ce fracas et de ce chaos et qui prennent les choses en main et en profitent. Mais le changement lui-même, ce trouble, ce moment où il y a le ciel qui s'ouvre dessus et les arbres commencent à parler, c'est un moment magnifique. Je ne suis pas capable de penser autrement. Moi qui ai vécu l'euphorie, la joie dans les rues de Moscou le 21 août 91, je sais ce que c'est quand il y a les gens qui ne se connaissent pas, qui s'embrassent dans la rue et qui croient qu'après, ça va être une autre vie. Le quotidien révolutionné, à Saint-Pétersbourg, 100 ans après 1917. Avec Alexei Yankovski, Nadiezhda Pchenko, Yulia Rybakova et Yuli Rybakov, Artyom Mangun, Alexandre Kalmykov, Elisaveta Delibash, Alexei Nikonov, Konstantin Netoujilov et les étudiants de l'Université des technologies de gestion et d'économie de Saint-Pétersbourg. Merci à Valérie Kislov, traducteur et écrivain, qui fut ici notre passeur. Merci à Eric Honoble et Corinna Macher. Avec les voix de Sonia Masson et Félicien Jutner. Prise de son, Pierre Quintard. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire de Marie Chartron et Julie Béressy. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez renverser la table, bibliographie, lien, nous podcaster pour la Révolution ou nous réécouter sur la Neva, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter. Demain, deuxième épisode, les traces de 1917 à Moscou. Et toute cette semaine, à 9h, la Fabrique de l'Histoire est aussi à l'heure révolutionnaire avec des archives inédites. Et à 1h ce soir, dans les nuits, la rediffusion d'un débat enregistré il y a 50 ans sur le sujet.